Ouais, bonjour à tous. Je vais vous lire un billet d'humeur du docteur Christophe Prudhomme, médecin urgentiste qui est à la CGT. Donc, il y a quelque temps, il a fait paraître un billet d'humeur qui s'appelle « Répression ». Un certain nombre de directeurs d'établissements mettent en place des mesures de répression contre les salariés qui manifestent légitimement pour obtenir les moyens de pouvoir prendre en charge humainement et en toute sécurité leurs patients. Il faut citer le non-renouvellement de contrats de collègues infirmiers et médecins au cours du mouvement de grève dans les services d'urgence au motif de leur engagement militant. Plus récemment, je vous ai alerté sur ces directeurs qui payent des huissiers avec l'argent de la sécurité sociale pour fliquer les personnels qui se rassemblent les mardis et les jeudis dans ou devant leurs établissements lors des journées de la colère. Ils se déplacent eux-mêmes pour les menacer de sanctions pour abandon de poste, alors qu'ils prennent sur leur temps de pause pour venir manifester leur mécontentement. Plus grave, nous apprenons ces derniers jours que deux collègues de l'hôpital psychiatrique du Rouvray en Normandie sont traduits en conseil de discipline à la suite des actions qu'ils ont menées l'an dernier pour dénoncer la maltraitance des patients dans leur établissement. Ils avaient même mené une grève de la faim pour se faire entendre. Et voilà que le nouveau directeur déploie les grands moyens pour freiner les actions qui redémarrent, car rien n'a changé et la situation est même pire qu'avant. La CGT va demander solennellement au ministre de la Santé, au préalable à toute négociation, de donner des ordres très clairs aux directeurs concernés afin qu'ils cessent immédiatement ces pratiques inadmissibles. Il n'est pas possible pour nous de discuter dans ces conditions. Quel respect et quelle confiance pouvons-nous avoir dans la parole du ministre alors que ses subordonnés répriment les personnels qui se battent justement pour que leurs revendications, que le président de la République a reconnues comme légitimes, aboutissent. Je crois qu'on a encore du pain sur la planche. Les mouvements sociaux dans les hôpitaux ne sont pas terminés, loin de là. Et je pense même qu'à un moment, il va falloir qu'on durcisse encore un peu plus le mouvement. Voilà.